connaissez le Rwanda? En une seule journée, des dizaines de milliers d'entre eux ont été tués. Depuis Hiroshima, personne n'avait vu ça. Autant de gens tués aussi vite, ça t'empêche pas de dormir? Le monde s'enrichit grave grâce à la pauvreté. C'est comme un grave grade pour l'enlever, on peut frotter. Toutes ces forces, ça sert à rien, c'est un délit pile. Comme Danny Pil, comme sauf piquer ce cadre dans un ou deux labels. Budget monétaire, menotté peut-être humanitaire. Un violon monétaire, l'argent revient à mon hôtel. Construisons des foyers, dont ceux qui n'ont pas de sous, baissons les loyers, dénonce les carences d'ici. On peut pas se plaindre quand on voit les combats d'Afghanistan. Le seul truc qu'on connaît, c'est l'orthogique, on bête d'Afghan instant. Est-ce qu'après vient les gens? Que le pays d'Arménie dégueule. Plein de problèmes et que là-bas, un enfant dort muni d'un gueule. Regarde autour de toi, ça s'entend à longueur de temps. La garde est éteinte sur mon état, pour ça que ma vie je la garde autant. Les cons détus et les victimes ne sont pas que des tiens. C'est la demeure au quotidien, à côté d'eux c'est la chance qu'on détient. On n'est pas les plus à plaindre, car ça se tape pour un peu de gémant. Pas du honte que tu gémisses, avance avec un pas de géant. Pour rapper pour ces citadins, aussitôt dit, aussitôt fait. Dans cet audit à s'étouffer, car c'est tendu et c'est un fait. On n'est pas les plus à plaindre, car ça se tape pour un peu de gémant. Pas du honte que tu gémisses, avance avec un pas de géant. Pour rapper pour ces citadins, aussitôt dit, aussitôt fait. Dans cet audit à s'étouffer, car c'est tendu et c'est un fait. Accuser l'État, mes excuses qu'aux auditeurs qui osent y dire que Chirac a causé du tort. Le monde a l'air mon dieu d'un vieux chiffon, comme un mandat lire. Je rappe à en pâlir et les envieux je les monte en l'air. On se plaint, on se plaint, on se bat, on se barre, n'est-ce pas que là-bas ça se plaint d'espoir. On se bat, lance pas, on se foque, on se fight, on se voit la face face à l'asphalte. Moi je suis pas plein, j'ai de quoi me payer un grec ou j'ai un but atteint, donc avec monnaie on serre les coudes. Dans mon portefeuille gros, y'a des grosses toiles d'araignée. T'apportes le deuil de ma dépense, donc porte-le. Je suis pas le plus à plaindre, car moi j'ai vécu plein de riz. Alors que là-bas les jeunes se réjouissent avec un plat de riz. Et dire que moi je me plains de gagner 6000 et des cacahuètes. Dans nos rues c'est la guerre, mais c'est pas la même coco wade. On n'est pas les plus à plaindre, car ça se tape pour un peu de gémant. Pas de géant que tu gémisses, avance avec un pas de géant. Pour rapper pour ces citadins, aussitôt dit, aussitôt fait. Dans cet audit à s'étouffer, car c'est tendu et c'est un fait. On n'est pas les plus à plaindre, car ça se tape pour un peu de gémant. Pas de géant que tu gémisses, avance avec un pas de géant. Pour rapper pour ces citadins, aussitôt dit, aussitôt fait. Dans cet audit à s'étouffer, car c'est tendu et c'est un fait. J'ai vu une petite, je me suis demandé, arrivera Tel Aviv? Ah, c'est comme l'hépatite. À Bagdad et à Tel Aviv. La naissance aussi elle, pas de sécurité sociale. Les os sont hâles, et pour certains, c'est l'essentiel. La sentinelle de l'intérieur reste dans son tunnel. Si tu te sens tout mal normal, c'est que le mal est sous ton aile. Antipo satiné, c'est la litipo de cette année. C'est satané, gros, pour mes négros, pas besoin de s'étonner. Dans certains pays, beaucoup sont atteints du SIDA. SIDA, l'issue de As. Pour un gamin SIDA. Ça, je viens péter ton verrou. Je te balance la téverie. Car si là-bas, on t'enverrait, toi, tu verrais que le temps varie. Là-bas, quand un ami trahit, ça se finit à coups de mitraillette. Là-bas, c'est trop la merde. Et même Satan veut plus y mettre rien. Tu peux pas nier mon opinion. La France est remplie de pognon. Voici le tableau établi. Car nos vies, c'est nous qui les peignons. C'est nous qui les peignons. C'est nous qui les peignons. On s'est donné tant de mal pour fonder une société égalitaire. On n'aurait rien à envier à son prochain. Mais il y a toujours quelque chose à envier. Dans ce monde, tu vois, il y aura toujours des riches et des pauvres. Il y aura toujours des riches, il y aura toujours des riches.